c'était Jim et l'autre c'était John. Leur sergent c'était Georgie Carson. Au régiment, peu importe d'où l'on vient, si l'on marche, tout va bien. Le canon tonne, non pas résonne, du Gange au Malabar. Chaud ou froid, soit fou fin, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard. Que l'ennemi soit blanc ou noir, tout ça t'est bien égal si tu dois crever ce soir. Johnny trouvait le whisky fade, Jimmy avait le ventre bien malade. Alors Georgie les prit par le bras, tous les trois on avancera ou on crèvera. Le canon tonne, non pas résonne, du Gange au Malabar. Chaud ou froid, soit fou fin, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard. Que l'ennemi soit blanc ou noir, tout ça t'est bien égal si tu dois crever ce soir. Jim fut tué, John a trouvé la mort, Georgie de son dernier sommeil dort. Mais pour la guerre, on trouvera toujours du sang rouge qui coulera. Le canon tonne, non pas résonne, du Gange au Malabar. Chaud ou froid, soit fou fin, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard. Que l'ennemi soit blanc ou noir, tout ça t'est bien égal si tu dois crever ce soir.